مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية كوغ ديسبونسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. والمعرفة خمسة أشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالنعت، فالمؤلف رحمه الله تعالى دخل في باب المرفوعات من الأسماء، وذكر منها رحمه الله تعالى الفاعل والمبتدأ والخبر، وكذلك ثنى بما العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وذكر النعت بعد ذلك. Donc le dernier cours qu'on avait pu prendre, c'était par rapport au نعت. والمؤلف رحمه الله تعالى il a évoqué la définition du نعت par le jugement. قال تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. Cette définition-là qu'il a évoquée, rahimahullah ta'ala, elle est plus à même à être évoquée dans le jugement du na'at. Ou na'at, on a pu voir que yantasimu ila qismay. Wa qabla thalika, anna hu fi al-lugha al-arabiyya, an-na'at bima'na al-wasf. Comme dans le hadith de l'Isra wa al-Mi'raj, lama dhakara al-Nabi sallam, awsaf al-Masjid al-Aqsa, il a évoqué le critère du Masjid al-Aqsa, ses sifat. Faqala al-kuffar, kuffar al-Quraysh, amma an-na'tu faqad sadaqta. Quant à la description de al-Masjid al-Aqsa, sadaqta, na'am, certes tu as dit vrai. Fa, ils ont évoqué na'at pour la description, pour la chose qui est quoi? Un qualificatif. Wa an-na'tu 'inda ulama 'inda an-nuha yanqasimu ila qismayn. On a pu voir que ça c'était la meilleure définition à donner. Lorsqu'on veut évoquer la définition du na'at, on dit yanqasimu ila qismayn. لأن النعت ليس على حد سواء إلى plusieurs catégories. فيقال ينقسم إلى قسمين، et ensuite on évoque يعني quels sont ces أقسام. Quels sont les أقسام du النعت؟ قلنا ينقسم إلى قسمين. C'est quoi les أقسام du نعت؟ Celui qui a la réponse, inshallah, il lève la main. نعت حقيقي ونعت سببي. نعم، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي، si on voulait évoquer la définition du na'at al-haqiqi, c'est le véritable na'at. C'est-à-dire celui qui va apporter une description au man'ut. Al-man'ut, c'est la chose qui est décrite avant lui. Comme ذكر رحمه الله تعالى زيد مثلا قام زيد العاقل. فالعاقل c'est un na'at. C'est une description de qui? De Zayd. C'est une description de Zayd. Et Zayd, c'est quoi al-man'ut? C'est celui qui est qualifié. Fait on a un na'at et on a un man'ut. النعت c'est celui qui apporte la description، والمنعوت c'est celui qui est décrit. L'adjectif qualificatif et le qualifié en français. فأنعت الحقيقي son ضابط comment on fait pour le reconnaître ذكرنا أنه هو الوصف الذي يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعود comment on fait pour connaître ce نعت الحقيقي le نعت الحقيقي c'est celui le وصف qui va rendre مرفوع un ضمير qui est مستتر qui va venir après un ضمير qui est مستتر donc il n'est pas apparent يرجع إلى زيد إلى يرجع إلى المنعود comme dans le مثال قام زيد العاقل أي هو donc là il rapporte un il rend marfou un damir qui est sous pas sous-entendu qui est caché qui est dissimulé et qui va revenir qui revient sur qui al-man'ud qui est dans le مثال زيد très bien wa an-na'at al-sababi tam c'est le wasf alladhi yarfa' isman zahiran muttasilan bi damirin ya'ud ila al-man'ud al-na'at al-sababi c'est celui qui va rendre marfou un ism qui est zahir on a pu voir qu'est-ce que l'ism zahir et ce ism zahir il est quoi muttasil bi damir il est accroché à un damir qui va revenir sur qui sur zayd sur le man'ud مثلاً si on dit qama zaydun al-fadilu abuhu al-fadilu abuhu fa abuhu c'est le marfou de al-fadilu qui est le na'at et ce abu il est muttasil bi damir qui est quoi le ha abuhu et ce ha il revient à qui à celui qui avant al-man'ud qama zaydun al-fadilu abuhu falaha huna il revient à qui à zayd c'est comme ça qu'on avait dit qama zaydun al-fadilu abu zaydin donc il rend marfou un ism qui est zahir qui est accroché dans fihi damir muttasil ya'ud ila qui al-man'ud ça c'est la meilleure définition et le meilleur de dhabit la meilleure norme pour reconnaître le na'at al-haqiqi du na'at al-sababi dans des kutub de nuha ils ont évoqué d'autres définitions par rapport au haqiqi et par rapport au sababi lakin ça c'est la meilleure le meilleur de dhabit la meilleure des normes qui te permet de différencier entre le na'at al-haqiqi wa an-na'at al-sababi an-na'at al-haqiqi limadha sumiya haqiqi parce que c'est lui véritablement le na'at du man'ud tam qama zaydun al-fadil tam fa al-fadil tam sa an-na'at de qui du man'ud haqiqatan ani véritablement qui est fadil c'est qui est qualifié par le mérite c'est zayd amma an-na'at al-sababi tam c'est le wasf qui va pas venir qui n'est pas comment ça s'appelle un na'at de ce qui est avant lui tam parce que normalement dans la langue arabe an-na'at il vient décrire avant lui tam an-na'at il vient après le man'ud fa dans le na'at al-sababi le na'at il vient décrire une chose qui est après lui c'est pour ça qu'il est pas haqiqi lakin sababi pourquoi sababi parce que il vient qualifier une chose qui est après lui bi sababi ma qablahu il vient qualifier une chose qui est après lui donc ça c'est le khilaf de la qa'ida dans le na'at wal-man'ud parce que normalement il qualifie une chose qui est avant lui là il qualifie une chose qui est après lui lakin bi sababi ma qablahu c'est pour ça qu'on appelait na'atun sababi parce qu'il vient décrire une chose qui est après lui bi sababi ma qablahu tam qama zaydun al-fadilu abuhu fa al-fadilu huna est-ce que c'est zayd ou bien c'est abuhu tam lakin comment ça se fait qu'il est venu décrire une chose qui est après lui alors que la qa'ida a dit que le na'at vient décrire une chose qui est avant lui le sabab c'est la chose qui est avant lui qui est le man'ud tam donc en vérité c'est un na'at pas vraiment du man'ud lakin de ce qui vient après tam c'est un na'at dans l'aspect tam lakin laysa fi al-ma'na an-na'at as-sababi c'est un na'at dans l'aspect c'est-à-dire il vient après le man'ud parce que la chose qui est avant c'est le man'ud lakin pas dans le ma'na parce qu'il vient pas le qualifier lui lakin il vient qualifier la chose qui est après donc dans le ma'na c'est un na'at lakin d'une chose qui est après et pour qu'il soit un na'at dans l'aspect yani fi al-ma'na wa fi al-sura tam dans l'aspect et dans la ma'na il faut que ce soit un na'at al-haqiqi an-na'at al-haqiqi c'est un na'at dans l'aspect parce que il vient après le man'ud et kadhalika dans le ma'na parce que il vient décrire la chose qui est avant lui donc ça c'est quoi la meilleure des normes pour reconnaître entre le na'at al-sababi ou un na'at al-haqiqi quant au jugement il avait évoqué n'am rahimahullah ta'ala yani de manière concise le jugement de an-na'at il avait dit c'est un tabi' donc c'est une chose qui suit lil man'ud fi raf'ihi nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi ce jugement là qu'il a évoqué est-ce que il est propre au na'at al-haqiqi ou bien an-na'at al-sababi celui qui a réponse inchallah il lève la main un seul non, en vérité celui-là là ce qu'il a évoqué il est associé aux deux au na'at al-haqiqi والنعت السببي. Donc, comme on a pu voir, le نعت الحقيقي et le نعت السببي, ils ont un jugement مشترك dans lequel ils s'associent. Qui est quoi? Al-i'rab wa ta'rif wa tamkir. Al-i'rab, c'est-à-dire que si jamais ce qui est avant lui, que ce soit dans le نعت الحقيقي ou bien le نعت السببي, si jamais il est marfou, le نعت qui vient après, qu'il soit حقيقي ou bien السببي, il sera كذلك marfou. قام زيد العاقل. هنا c'est un نعت حقيقي. زيدون il est marfou, العاقل كذلك il est marfou. Si jamais on prend un نعت السببي, قام زيد العاقل أبوه. فزيدون il est marfou, والعاقل كذلك il est quoi? Il est marfou. Si jamais il est منصوب كذلك, قام plutôt رأيت زيدا العاقلة. زيدا هنا il est منصوب. العاقلة qui est منعوت, plutôt qui est نعت, il est كذلك il est منصوب. Avec la fatha في ظاهره في آخره. نعم. وكذلك النعت السببي رأيت زيدا العاقل أبوه. فزيدا هنا إلى كوا منصوب كذلك العاقل يدخل منصوب. كش سواء نعت حقيقي أو بين سببي. الخفض كذلك. مرنت بزيد العاقل نعت حقيقي عاقلي إلى مخفوض بين مجرور قم زيد. بس كزيد إلى كوا لمجرور بالباء. مرنت بزيد العاقل أبوه. العاقل كذلك نعت سببي لكن il est quoi مخفوض même si jamais il vient apporter la معنى qui vient après c'est un نعت de ce qui vient après لكن par rapport à l'Arab تمام par rapport à l'Arab il va suivre ce qui est avant lui تمام قام مرنت بزيد العاقل أبوه فالعاقل هنا il est مجرور comme زيد parce que il est مجرور كذلك dans le تعريف dans le تنكير si jamais le منعوت il est défini, كذلك النعت sera défini. Si jamais il est indéfini, تنكير, كذلك النعت, il sera indéfini que ce soit dans النعت الحقيقي ou bien النعت السببي. قام الرجل العاقل. فالرجل هنا, il est منعوت. والعاقل سانعت. الرجل, il est défini. On va voir, بدخول ال. فكذلك العاقل, il faut qu'il le suive. C'est un تابع. Il le suit, كذلك, que ce soit النعت الحقيقي ou bien تابع, ou bien السببي. Il le suit. Dans le fait d'être quoi défini. قام الرجل العاقل أبوه. كذلك هنا الرجل il est défini. والعاقل كنع سببي هنا كذلك il est défini. تنكير مثلا قام رجل عاقل. قام رجل عاقل. فرجل كذلك il est indéfini هنا. فكذلك son نعت il est quoi indéfini. قام رجل عاقل أبوه قام رجل عاقل أبوه رجل indéfini فكذلك عاقل يفو كي سوى كوا indéfini que ce soit un نعت حقيقي ou bien un نعت سببي. Donc le jugement qu'il a évoqué هنا النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. Ce jugement là il est associé entre qui le نعت الحقيقي و النعت السببي. Pas de différence entre les deux. Ensuite, il faut savoir que النعت الحقيقي il suit le منعوت dans tous ses états. Là, c'est le jugement qui est quoi entre les deux termes. Là, on va évoquer le jugement qui est quoi qui est spécifique au نعت الحقيقي. C'est-à-dire qu'on rajoute au-dessus de cela, yani de ce qu'il a évoqué, rahimahullah ta'ala, dans le منعوت. C'est que le نعت الحقيقي, c'est simple. Il suit le منعوت dans tous ses états. Celui-là, il est très simple. Il suit le منعوت dans tous ses états. Dans l'i'rab. Dans le fait qu'il soit défini ou indéfini. Dans le fait, dans le genre et dans le nombre. C'est-à-dire qu'il soit masculin ou bien féminin. Kazalika sera masculin, féminin. Kazalika dans le nombre, si jamais il est singulier, singulier. Mufarad, mufarad. Musanna, musanna. Duel, duel. Jam'un, jam'un. Kazalika, pluriel, pluriel. Il le suit dans tous ses états. Zalika, al-na'at, al-haqiqi. Amma al-na'at, al-sababi, il va suivre. Comme on a pu voir al-man'out, c'est-à-dire celui qui est avant, dans al-i'rab, wa-ta'rif, wa-tankir, bas. En dehors de cela, il ne suit pas ce qui est avant lui, dans d'autres choses que l'i'rab, wa-ta'rif, wa-tankir, le fait qu'il soit défini et indéfini. Lakin, il va suivre ce qui va venir après lui, c'est-à-dire son marfou', la chose qui l'a rendu marfou', il va le suivre dans le genre. Dans le genre. C'est-à-dire que si jamais ce qui vient après lui, dans le نعت السببي, celui qui vient après lui, son marfou', si jamais il est masculin, كذلك le نعت السببي sera quoi? Masculin. Si jamais il est féminin, كذلك le نعت السببي sera quoi? Il sera féminin. مثلا, قام Zaydun al-aqilu abuhu. Fa abuhuna c'est quoi? C'est masculin. Fa kadhalika aqilu, il se doit d'être quoi? Masculin. On aurait dit mathalan qama zaydun al-aqilatu ummuhu. Fa ummuhu huna c'est quoi? Féminin. Donc kadhalika le na'at al-sababi, il se doit d'être féminin. C'est là qu'on voit bien que le na'at al-sababi, c'est pas un wasf de ce qui est avant, parce que lorsqu'on dit qama zaydun al-aqilatu ummuhu, si jamais ça aurait été un na'at haqiqi, c'est impossible, parce que comment Zayd peut être fait masculin et Al-Aqilatu, il est quoi? Féminin. Donc ça nous montre que c'est vraiment pas le, il vient pas pour apporter une description sur ce qui est avant lui, lakin une description ce qui, pour la chose qui vient après lui. Et le dalil, c'est quoi? Lorsqu'il va changer au niveau du genre. Lorsqu'il va être masculin ou bien féminin, on va voir vraiment qu'il apporte une description sur la chose qui vient après. Qama Zaydun Al-Aqilatu Ummuhu. Ummuhu féminin. Kadhalika Al-Aqila, il faut qu'elle soit féminin. Pourquoi? Parce que c'est un acte sababi. Il vient apporter une description sur la chose qui vient après. Kadhalika, par rapport au acte sababi, il faut savoir qu'au niveau du nombre, il ne change jamais. Il est toujours singulier. C'est-à-dire que même si jamais la chose qui est avant lui ou après lui est au pluriel ou bien au duel, jamais il ne changera. Jamais il ne changera. Qama rajulani, tu diras qama rajulani al-aqilu abuhuma. Qama rajulani, rajulan musanna duel, al-aqilu abuhuma. Ça changera du tout. Si jamais on aurait mis matalan, ça on a changé le nombre au niveau du man'u, on va changer le nombre au niveau de ce qui vient après lui, c'est-à-dire ce marfoua. Qama zaydun al-aqilu ikhwatuhu. Qama zaydun al-aqilu ikhwatuhu. Fa ikhwa c'est un pluriel. On peut voir que le na'at sababi, on a pu voir qu'il vient apporter une information sur ce qui vient après. Là, lorsque ce sera au niveau du nombre, eh ben, un na'at sababi, il restera tout le temps singulier. Toujours mufrad. Que la chose qui vient après ou bien avant lui soit duel ou bien pluriel, jamais le na'at sababi, il change au niveau du nombre. Toujours singulier. Toujours mufrad. Donc ça, c'est la khulasa. Par rapport à quoi? Par rapport au na'at al-sababi ou à na'at al-haqiqi. Fa inshallah tabaraka wa ta'ala, on va poursuivre la lecture du matin, inshallah. Qala rahimahullah ta'ala, qala wal ma'rifatu khamsatu ashiya. Al-ismu al-mutmaru nahwu ana wa anta wal-ismu al-alam, ça c'est le deuxième. Nahwu zaydun wa makka. Wal-ismu al-mubhamu nahwu hadha wa hadhihi wa ha'ula. نعم قال والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. Donc là il nous évoque rahimahullah ta'ala bab al-ma'rifa. La personne peut se poser la question et se dire pourquoi al-mu'allif rahimahullah ta'ala limadha dhakara bab al-ma'rifati wal-nakara dans al-marfu'at min al-asma, tout en sachant que al-ma'rifa wal-nakara ils n'ont pas de dakhal dans al-marfu'at min al-asma. Fait la chose qui est ma'rifa, qui est définie, elle peut être quoi? Marfu', comme elle peut être mansoub, comme elle peut être majrour. Mathalan, si je dis par rapport au ma'rifa, qama ar-rajulu, défini, il est marfu'. Qama ra'aytu ar-rajula, il est défini, il est quoi? Il est mansoub. Marantu bir-rajuli, il est défini, il est majrour. Donc la personne, elle peut se dire quelle est la munasaba? Pour quelle raison a-t-il évoqué rahimahullah ta'ala al-ma'rifa ou un nakira dans le bab al marfu'at min al asma, alors que ils ne sont pas forcément parmi les marfu'at? Il peut être marfu' al nakira kal ma'rifa, il peut être kadhalika mansoub. Donc pourquoi elle a évoqué? La raison, n'am, c'est que rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a évoqué par rapport au na'at, le jugement du na'at, il a dit an na'atu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Donc il a évoqué par rapport au jugement du na'at, comme qui suit le man'ut dans l'état lorsqu'il est défini et lorsqu'il est indéfini. Donc il a été quoi? Dans le besoin d'évoquer qu'est-ce que la chose qui est définie et la chose qui est indéfinie. Parce qu'il a évoqué parmi les jugements du na'at qui suit le man'ut dans le fait qu'il soit défini et dans le fait qu'il soit quoi? Indéfini. Donc ça c'est quoi? C'est la munasaba. C'est la raison pour laquelle, rahimahullah ta'ala, il a évoqué al-ma'rifa wa al-nakara. Et ça on appelle ça dans la, ces choses, yani, lorsque tu évoques une chose qui n'a pas de rapport directement dans le chapitre dans lequel tu l'as évoqué, on appelle ça une faïda istitaradiyya, c'est-à-dire qu'il a évoqué en plus, et il y a une relation par rapport à cela, parce que dans la chose qui a un lien dans ce chapitre-là, il a évoqué une chose qui est en relation. Lakin, est-ce que directement il fait partie de ce chapitre-là là, tu l'as évoqué parce que tu as développé une chose, et dans le développement de cette chose-là, tu as évoqué certaines choses qui se doivent d'être éclaircies. Donc tu l'as évoqué dans le chapitre, en sous-chapitre, si on veut dire cela. فقال رحمه الله تعالى المعرفة والنكرة والمعرفة والنكرة c'est quoi la définition حدهما المعرفة وما دل على معين يعني une chose qui est définie hein? Une chose qui est définie, on la traduit directement comme ça. ما دل على معين c'est une chose qui est quoi définie. والنكرة c'est son axe. ما لا يدل على معين c'est la chose, c'est la chose qui est indéfinie hein? المعرفة la chose qui est définie والمعين وأن المعرفة c'est la chose qui est définie. Ou al-nakira, c'est la chose qui est indéfinie. Al-ma'rifa, ma dalla ala mu'ayyan, ça c'est sa définition, fil nu'ati al-arabiyya. Ou al-nakira, ma la yadulla ala mu'ayyan, c'est la chose qui est quoi? Qui est indéfinie. Naam. Fadakara, rahimahullah ta'ala, que al-ma'rifa, khamsatu ashiya, qui sont au nombre de cinq. Ou hada qul min al-aqwal. Lakin al-sahih, c'est que al-ma'rifa, sab'atu ashiya. المعرفة لها سبعة أشياء. Ils sont nombre de sept, المعارف. Les choses qui sont définies dans la langue arabe, nombre de sept. C'est الضمير, العلم, الضمير معروف, les pronoms. العلم, c'est les noms propres. الاسم إشارة, pronoms démonstratifs. الاسم الموصول, ça fait quatre. المعرف بأل, celui qui est défini par elle. النكرة المقصودة la chose qui est indéfinie لكن بالنداء elle est devenue définie, on va le voir inshallah. وما أضيف إلى هذه الأشياء et la chose qui est annexée à l'une de ces six choses là, donc ça fait quoi? Sept معارف. On répète الضمير العلم اسم إشارة الاسم الموصول نعم المعرف بأل النكرة المقصودة وما أضيف إلى هذه الأشياء. Ou si tu veux, certains ils ont dit en vérité ils sont au nombre de 6, pas au nombre de 7, parce que la chose qui est annexée à l'une de ces choses là, ça fait comme on va le voir inshallah, ça rentre dans le palier de la chose vers laquelle il est annexé, on va le voir inshallah. Lakin, on le prend comme ça a été évoqué dans le livre de Nahou que al-ma'arif ils sont au nombre de quoi? Au nombre de 7, comme ça m'a dit. فالمؤلف رحمه الله تعالى il a évoqué qui sont nombre de 5 et en vérité il a évoqué des catégories qui sont quoi? Qui sont âmes, qui sont globales, qui peuvent prendre et d'autres catégories, parce qu'il a évoqué des appellations dans lesquelles on peut rentrer d'autres catégories. Lakin, c'est un peu critiquable dans le sens qu'il a évoqué 5, parce que même si jamais il a évoqué des appellations dans lesquelles on peut rentrer d'autres maharif, d'autres choses qui sont définies, et dire qu'en vérité il n'y a pas de khilaf. Lakin, lorsqu'il a évoqué ces appellations qui sont âmes, dans lesquelles on peut rentrer d'autres choses définies, il n'a pas évoqué, dans les exemples, les choses qui rentrent, sous ces appellations-là qui sont âmes. Fa, wallahu a'lam, ka'anna al-mu'allif rahmallahu ta'ala, il voit que al-ma'rifa, ils sont au nombre de 5. Wallahu a'lam. Wa al-sahih, c'est qu'ils sont au nombre de 7, kama sami'ta. Na'am. Et la liste que je vous ai évoquée, il faut, inshallah, essayer de la prendre dans le tartib. Parce qu'on va voir que al-ma'arif ala rutba. Ils ont une hiérarchie. Il y en a qui sont beaucoup plus définis que d'autres. Le plus défini, c'est quoi? Al-damir. Ensuite, le deuxième, c'est quoi? Al-alam, le nom propre. Ensuite, c'est al-ism al-ishara. Ensuite, c'est al-ism al-mawsoul. Ensuite, c'est al-mu'arraf bi-al. Ensuite, c'est nakara al-maqsouda. 6, et on va voir que c'est-à-dire que le mudaf qui est annexé au damir, ou le mudaf qui est annexé au alam, ou le mudaf qui est annexé à l'ism ishara, ou le mudaf qui est annexé à l'ism al-mawsoul, ou le mudaf qui est annexé à l'ism al-mawsoul au mu'arraf bi-al, ou le mudaf qui est annexé kazalika au nakira maqsouda, yani ikhtalafu al-ulama. Ils ont dit la chose qui est annexée à l'une de ces 6 choses-là, est-ce qu'il est sur le même palier? Ils sont au niveau du fait qu'ils soient définis, ils sont égaux, ou bien l'un des deux est plus défini que l'autre. فاختلفوا في هذه المسألة et c'est un خلاف يعني لا يضر تمام il y a pas il est pas nuisible ce خلاف là c'est-à-dire que n'importe quelle parole que tu prends il y a pas de problème تمام certains ont dit ما أضيف إلى أهل الأشياء c'est-à-dire que le مضاف إلى الضمير il est défini comme le ضمير c'est-à-dire que lorsqu'on évoque يعني الضمير on dit c'est le plus défini كذلك ils disent ou la chose qui est quoi qui est annexée au ضمير تمام مثلا الضمير مثلا الضمير هو une chose qui est annexée au ضمير هذا غلامي ou هذا غلامه تمام فغلام il est c'est un مضاف qui est annexé quoi au ضمير ils ont dit est-ce que مثلا est-ce que هو هو غلامي مثلا est-ce que هو et غلامه est-ce que ils sont au niveau du fait qu'ils soient définis égaux ou bien l'un des deux est plus défini que l'autre certains ont dit ma udifa ila hadhihi al-ashya il est défini tel que la chose vers laquelle il est défini fal mudaf ila al-damir il est autant défini que le damir wal mudaf ila al-alam autant défini que al-alam wal mudaf ila ism mushara autant est défini que l'ism mushara wal mudaf ila ism al-mawsul il est autant défini que l'ism al-mawsul wal mudaf ila al-mu'arraf bi al il est autant défini que le mu'arraf bi al wal mudaf ila an-nakara al-maqsuda il est autant défini que an-nakara al-maqsuda ça c'est un qawl min al-aqwal wa as-sahih الصحيح c'est que comme la chose qui est annexée à l'une de ces six choses là il est en dessous de la chose vers laquelle il a été annexé et il est au-dessus de la chose qui la suit enfin مثلا on voit on a pu voir que le premier c'est quoi le premier c'est al-damir ce qui suit le damir c'est quoi c'est al-alam enfin le dam la chose qui est annexée au damir il est entre quoi entre le damir et al-alam comme si on veut dire c'est un bis Le damir c'est le premier et le mudaf ila al-damir c'est un bis, c'est la chose qui est juste en dessous de lui. Il est plus défini que l'alam et il est moins défini que quoi? Que la chose vers laquelle il a été annexé, c'est-à-dire là dans l'exemple, le damir. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit mu'ti shay ila ahsan min al-mu'ta. Il est devenu défini le mudaf par l'intermédiaire de qui? Du damir. Donc le fait que ce soit le damir qui soit le sebab, qu'il est devenu défini, il dit c'est pas possible que la personne, plutôt la chose qui donne, soit égale à la chose qui est devenue définie par sa cause. Et ensuite ils ont pris la hadith, il y en a par rapport à cela, il y en a à la Qadambi sallam, wal yad al munfiqa khair ou yad al ulya khair min al yad al sufla. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Donc ils ont dit celui qui donne, il est meilleur que celui qui reçoit. Donc là, dans ce cas, ils ont dit « Ad-damir, il est plus défini que le mudaf et l'ad-damir. » Pourquoi ? Parce que c'est lui qui lui a donné ce ta'rif, le fait qu'il soit défini. Et le mudaf et l'ad-damir, c'est lui qui a reçu. Donc celui qui reçoit ne peut pas être meilleur et ne peut pas être autant meilleur que celui qui a donné. Wallah alam, c'est la chose, le dalil qu'ils ont fait, la basbihi, on peut argumenter par rapport à ça, cette position-là. Et la basbihi, à la kulli hal, مهما كان que tu dises que المضاف إلى هذه الأشياء il est autant défini que la chose vers laquelle il est annexé ou bien que il est en dessous de celui-là la base bihita c'est un khilaf c'est un khilaf qui n'est pas nuisible il n'y a pas de problème par rapport à cela tu prends n'importe quel qawl que tu veux lakin il y a toujours un indice qui montre qui fait prévaloir un qawl à un autre Allah alam mais celui qui fait prévaloir le hadith la base bihi d'argumenter par rapport à ce hadith là al yad al ulya khayrun min al yad al sufla wal yad al ulya hiya al munfiqa wal yad al sufla c'est celle qui tend la main c'est celle qui reçoit n'am wallahu a'lam et n'am كذلك ils ont évoqué certains un huitième parmi les maharif ils ont dit quoi lafz al jalal le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Allah ils ont dit c'est a'raf al maharif Certains, lorsqu'ils évoquent Al-Maharif, ils débutent, ils disent la chose qui est le nom qui est le plus défini, c'est quoi? Le ism qui est le plus défini, A'raful Asma, c'est Ismullah subhanahu wa ta'ala Allah, yani l'adhul jalala. Tamhada la basbihi, certains n'ont pas évoqué parce que c'est tellement ma'loum, ça c'est mimbab et ta'addub, d'avoir un bon comportement, de ne pas dire que le damir c'est la chose qui est la plus définie. يعني على الإطلاق لا. lorsqu'il dit الضمير c'est la chose qui est plus définie c'est-à-dire dans les قواعد النحوية dans les règles de grammaire أما في الإطلاق de manière générale c'est clair et net que la chose qui est la plus définie c'est Allah subhanahu wa ta'ala لا يجهل أحد الله جل جلاله personne n'ignore Allah عز وجل que ce soit un kafir ou bien ce soit un mu'min Donc, dans la grammaire arabe, la chose qu'il a pu définir, c'est quoi? Dhamam, c'est Ad-Damir. Lorsqu'il dit Al-Ma'arif Khamsa, Ay, Al-Ma'arif, Binisbati li Qawa'idi Al-Nahwiya, par rapport aux règles de grammaire. Donc, il n'y a pas de contradiction par rapport au fait de dire que c'est Araf Al-Ma'arif, parce qu'on parle de quoi? La chose qui est relative au Nahwiya. فقال رحمه الله تعالى الاسم المضمر نعم الاسم المضمر والمضمر c'est la chose qui est quoi ما خفية في اللغة العربية dans la langue arabe la chose qui est مضمر c'est la chose qui est quoi خفية يعني أضمر أضمر كذا وكذا في صدره c'est-à-dire qu'il a dissimulé ces choses-là يعني dans sa poitrine نعم فأضمر c'est une chose qui est quoi c'est une chose qui est dissimulée نعم فالضمير لا يتبلغ في صدره parce que يعني il peut être مستتر. Il peut être béharis, comme on a pu le voir, il peut être apparent, il peut être sous-entendu, il peut être dissimulé, c'est pour ça qu'il m'appelle Moudmar, parce que il est quoi? Il est dissimulé. Hein? Et kadhalika, la personne qui évolue, lorsqu'on dit Huwa et l'akhiri, elle est dissimulée. Hein? On n'a pas évoqué directement. Hein? Muhammadun, il peut être remplacé par quoi? Par Huwa. Le fait qu'on a évoqué Huwa, on a dissimulé Muhammad. Hein? C'est pour ça qu'il m'appelle Moudmar, par rapport à ce sens-là. Hein? La kinfi, عند النحاة chez les grammairiens المضمر هو ما دل على معين بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيب ما دل على معين c'est ce qui apporte le sens d'une chose qui est définie بواسطة par l'intermédiaire du تكلم c'est-à-dire la locution أو الخطاب le discours أو الغيب يعني en parlant d'une chose qui est quoi absence فالضمير c'est ce que tu viens d'entendre ما سمعته ف مثلا المتكلم معروف انا محمد انا عبد الله نحن عباد الله تمام فانا ونحن sont des ضمائر qui يدل على معين parce que انا تمام ça définit une chose تمام انا c'est bien une personne qui est définie تمام on parle d'une personne bien définie et cette personne là qui est définie comment elle a été définie par rapport au tekallum par rapport à la locution تمام انا je parle de moi-même تمام نحن on parle يعني d'une jamaa تمام qui peut être soit al-musanna ou bien soit le pluriel. Tam nahnu, on est deux ou bien on est trois. Et comment on a trouvé comment on les a définis ces personnes bi wasitati al-atakallum par rapport à la locution. Kadhalika par rapport au khitab anta, anti, antuma, antum, antun kadhalika tadull ala muayyan bi wasitati al-khitab par rapport au discours. Comme on a fait comment ces choses-là ont été précisées par rapport à quoi? Par rapport au discours. Kadhalika al-ghayb تم هو هي هما هم وهن تم كذلك سسون دي ضمائر تدل على معين بواسطة الغيب c'est-à-dire les personnes qui sont quoi absent et كذلك le ضمير الغيب ça peut être absent tu parles d'une personne qui est absent ou bien une personne à qui on parle تم en son nom تم elle est présente لكن on parle en son nom comme l'a évoqué l'imam Ibn Kathir رحمه الله dans son tafsir تم فلorsque tu dis مثلا quelqu'un te dit man hada tam la personne qui est à côté de toi et toi tu dis huwa muhammadun tam hada huwa muhammadun tam fa il est présent lakin tu parles en son nom comme si jamais il était quoi comme si jamais il était absent tam fa al ghaib c'est pas forcément de la quand on est en train de parler à la personne qui est absente lakin kadhalika du shakhs qui est présent à qui on parle en son nom tam fa hada huwa al damir il faut savoir que al damir ala aqsam al damir ala aqsam wa aqsamu sab'a ومنه المتصل تدا ضمائر qui sont متصله qui sont liées directement au mot et كذلك ils peuvent être liées كذلك au verbe et كذلك liées aux حروف au mot مثلا tu dis غلامي mon enfant là il est lié à un mot le ya si jamais je dis مثلا ضربك فالكف هنا c'est un ضمير كذلك il est lié à quoi au verbe كذلك نعم طلبت العلم فالتاء هنا c'est quoi c'est un ضمير qui est lié au verbe كذلك il peut être lié un harf تبارك الله فيك فالفي هنا c'est quoi c'est un harf et il est lié avec quoi avec un ضمير donc à l'ittisal il peut être ça peut être l'ittisal bi al-huruf ou al-af'al ou ila al-asma والضمير المتصل c'est quoi sa définition هو ما لا يبدا به في الجمله ولا يقع بعد الا. Comment on fait pour reconnaître le damir al-munfasil de celui qui va venir, Inch'Allah al-munfasil? C'est que al-damir al-muntasil la yubida bihi fil jumal. On commence pas par un damir qui est quoi? Muntasil. Fait al-damir al-muntasil ma'rouf. Le ya, le kaf, ce soit le kaf avec la kasra ou bien la fatha, ka ou ki, le kuma il akhiri, damir al-muntasil ma'rouf. On va les évoquer. Il y a le na pour nahnu, Kitabuna, on va faire comme ça. Kitabi, le ya. Kitabuna, nun. Kitabuka, kitabuki, kitabukuma, kitabukum, kitabukun, kitabuhu, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuhunna. Donc tout ce qu'on a évoqué comme muttasila avec kitab, ça ce sont quoi? Des damères qui sont quoi? Qui sont muttasila. Tam, ils sont muttasila. Fait hadi ad-damair, on ne peut pas commencer une phrase avec. Tam, le ya, mathalan, dans kitabi, est-ce qu'on peut commencer une phrase? On dit yi. Kitab il akhiri, c'est pas possible. Le kaf kazalik, on peut pas commencer une phrase. Ka il akhiri, c'est pas possible. Et kazalik la yaqa ba'da illa. Tu peux pas ramener illa ba'da hadhihi al-ashya. Mathalan, tu dis ma qama illa ya. C'est impossible. Ma qama illa ya. Tu dis ma qama illa ana. C'est le dhabit du damir qui est quoi? Muttasil ma la yubda bihi fil jumal wa la yaqa ba'da illa. Wa adamir al-munfasil, c'est l'inverse. Adamir al-munfasil, c'est l'inverse. C'est celui yubda bihi fil jumal wa qad yaqa ba'da illa. Yubda bihi fil jumal, مثلا anta. Ana, nahnu, anta, anti, antum, antuma, antunna, huwa hiya, huma, hum, wa hunna. On peut commencer une phrase avec ces choses-là. Huwa muslim, ana muslim, ila akhirih. Wa qad yaqa ba'da illa. Ma qama illa ana, illa anta, illa anti, illa huwa, illa hiya, ila akhirih. Donc ça c'est quoi? Dhabit du damir qui est munfasil. Ça c'est la deuxième catégorie. On a dit, il y a sept catégories. Le premier, muttasil. Deuxième, qui peut être quoi? Il peut être munfasil. On a vu la définition du al-munfasil. Kazalika, il peut être bariz. Le damir al-muttasil ou le damir al-munfasil, ils peuvent être bariz. Bariz, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas. Comme on a pu voir, anta, ou huwa, ila akhiri. Wa kitabi, kitabuhu, ila akhiri. Ce sont des damir qui sont quoi? Bariz, qui sont voyant. Donc le bariza, il rentre quoi? Dans le muttasil ou kazalika? Dans le munfasil. C'est celui qui a une sourah, c'est-à-dire celui qu'on voit et qu'on prononce. Ça, c'est la troisième catégorie. La quatrième catégorie du damir, c'est quoi? Qu'il est mustatir. Mustatir qui est, on ne dit pas sous-entendu, sous-entendu c'est quoi? Muqaddar. Amal mustatir, c'est celui qui est quoi? Dissimulé. Et ceux qui sont dissimulés, mathalan, dans zahaba. Zahaba, le fa'il de zahaba, il est quoi? Dissimulé. Il est mustatir. C'est quoi? Huwa. Zahaba, ay, huwa. Zahabat, ay, hiya. Il est là, il est mustatir. Avec le fi'l mudari', atlubu al-'ilm, ay ana. Ana atlubu al-'ilm, il est mustatir, wujuban. On a pu voir hatta dans un des cours que al-istar yanqasim ila qismayn. Il y en a qui sont quoi wujuban, il y en a qui sont quoi yani jawazan. Jawazan huwa wa hiya, wa wujuban le reste. Le reste il est quoi wujub. Donc ça c'est les al-mustatir, c'est celui qui est ma lahu laysa lahu sura. On ne le voit pas, il n'a pas d'aspect, on ne le voit pas, il est cas dans lequel il est dissimulé. Et ensuite, ils ont évoqué, donc là, le premier des noirs, c'est quoi? Muttasil, ensuite Munfasil, deuxième, Bariz, troisième, Wa Mustatir, c'est le quatrième, et ensuite, ils ont évoqué que tous ces damers-là, ils peuvent être quoi? Il y en a qui peuvent être Marfou', il y en a qui peuvent être Mansour, il y en a qui peuvent être Mujrour. Amal Marfou', c'est ceux qui sont Muttasil bil Afhal. Tam Zahabtu. Tam, le Tahuna, c'est un damer Muttasil fi Mahal Rafa'i. Tam zahabti, zahabtu, zahabtuma, zahabtum, zahabtunna, zahabna pour une femme, pour des femmes plutôt. Yani zahabna ayhunna, n'aham yakou encore. Yani ce genre de damer là qui sont quoi? Muttasil bi al-fi'l. Bi al-fi'l, ce sont des quoi? Des damer qui sont fait mahal, rafa. Kazalika, ceux qui sont mustatir. Atlub al-ilm, fa ana, atlub al-ilm ay ana. Lorsqu'on fait l'i'rab, on dira atlubu, c'est un fi'l mudari, en akhirih. Et son damir, plutôt son fa'il, il est mustatir. Taqdiruhu ana. Taqdiruhu ana. Donc là, il est kazalika. Il est mustatir, il est marfou'. Wa al-mansour, parmi les damir, ils peuvent être quoi? Ils peuvent être muttasil, ils peuvent être quoi? Kazalika munfasil. Ils peuvent être muttasil, ils peuvent être munfasil. Kazalika, on va revenir par rapport au marfou'at parmi les damir, on avait pu le voir. Ils peuvent être muttasil, ils peuvent être munfasil. Muttasil, ce qu'on a pu voir, zahabtu, zahabti, l'akhiri. Ou al-munfasil, c'est celui qui vient après illa. Maqama illa ana. Fa ana huna, c'est quoi? C'est un fa'il. Et le mansouf, kazalika, il peut être quoi? Muttasil, il peut être munfasil. Fa al-muttasil, mathalan, darabaka. C'est le kafha huna, sans damir. Muttasil fi mahal nasf, mafhoulun bihi. Il peut être munfasil. Iyaka na'budu. وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين فإياك تم سدامير لا ils sont tous quoi ils sont tous munfasila تم إيايا إيانا إياك إياكي إياكما إياكم إياكنا إياه إياها إياهما Iyahum wa iyahum. Tam c'est iya il akhiriya avec le damer qui vient après. Ça, ce sont des damers qui sont quoi? Munfasila fi mahal nasb. Tu peux que les utiliser dans le mahal nasb. Wa celui qui est fi mahal jar, مثلاً kitabi. Tam kitabi هنا le ya c'est un damer muttasil fi mahal jar. Tam fi mahal jar parce qu'il est quoi? Mudafun ilayhi. Il est mudafun ilayhi. Wa kitab s'il est mudaf. Et il faut savoir que le damer qui est fi mahal jar, tu peux le trouver que muttasil. Amma celui qui fait mahal nasb ou fi mahal raf, il peut être muttasil, il peut être munfasil. Amma celui qui fait mahal jar, il peut être que quoi? Muttasil kitabi, kitabuhu, kitabukum, tam il akhiri. Donc ça c'est quoi? Adamair, et ce sont les choses qui sont yani a'raf al-ma'arif fi al-nahw. Tam dans nahw a'raf al-ma'arif, si on te demande quelle est la chose qui est la plus définie dans les kutub dans la science du nahw, tu dis ad-damir, tam ad-damir c'est celui qui est le plus défini. Et ensuite vient celui qui est quoi? Lié. Tam le mudaf qui est lié au damir. Tam le mudaf qui est lié au damir, c'est le 1 bis. Tam, مثلاً, هذا غلامي. فغلامي, il est فرحت رتبتي الضمير. Il est en dessous du statut du rang du quoi? Du damir. Au niveau de la chose qui est définie. Tam. Ensuite vient après cela, c'est-à-dire après le damir, وما أضيف إلى الضمير, vient العلم. Tam, العلم c'est quoi? C'est ما دل على معين مطلقا. ما دل على معين مطلقا. C'est celui qui vient définir une chose sans l'intermédiaire d'une autre chose. Ce qu'on va voir, les ma'arif, tous ils viennent définir une chose, et désigner une chose, laquelle avec une wasita, avec un intermédiaire. Amma al-alam, c'est celui dalla ala mu'ayyan, à une chose bien précise. Lakin mutlaqan, c'est-à-dire sans intermédiaire. Abdullahi, Muhammadun, Mekka, Taif, Baris, il akhirih. Ce sont des noms propres, et les noms propres, il faut savoir qu'ils sont quoi? Qui sont définis. Et al-alam, tam yanqasim ila aqsam. Il y a al-laqab, t'as la kunya, t'as l'ismu murajjal, t'as le manqoul, t'as beaucoup de choses dans l'alam. Lakin, là on évoque, on ne va pas détailler au niveau du al-alam, mais inshallah ça va venir dans le kitab à suivre, inshallah, tabaraka wa ta'ala, qui s'appelle al-mutammima lil-ajrumiyya. Et lui il évoque, on a aqsam al-alam. Il faut savoir juste que al-alam c'est quoi? C'est une chose qui est définie. Et qui vient juste après quoi? Al-damir. وما أضيف إلى إيش الضمير في العلم كم تبي أن تنطق تام سون دينوم تام دينوم خبر تام كي سون دوني سواء دي فيل أو سواء نعم دي بيرسون تام كم سي بور سا كيل ايفوكي رحمه الله تعالى فقال والاسم العلم نحو زيد ومكة تام لا اون سوي با لا اون سوي با لا الترتيب دو مؤلف رحمه الله تعالى باسكو اون فوار كو يبوت كريتيكال تام اي انسويت ايفوكي رحمه الله تعالى لو ترويزيام chose qui est définie quoi? Al-ismu al-ishara. Tam, wal-ismu al-ishara, c'est ce qui évolue dans la parole du mu'allif, rahimahullah ta'ala, wal-ismu al-mubham. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Hadha wa hadhihi wa ha'ula. Lorsqu'il a voulu par, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il entend? Al-mu'allif, rahimahullah ta'ala, Ibn Ajrun, lorsqu'il dit al-ismu al-mubham, c'est quoi? Al-ismu al-ishara. Le pronom démonstratif en français. Wa al-ismu al-ishara, c'est ma dalla ala mu'ayyan, sa définition, ma dalla ala mu'ayyan bi wasitati al-ishara. C'est ce qui est, il va porter, ce qui va définir une chose, par l'intermédiaire d'une ishara, en démontrant ta main. Et l'ishara, fait l'oral arabien, t'en qasimu la qismani. Hissiya wa ma'nawiya. Hissiya qui est quoi concrète? Wa ma'nawiya qui est quoi abstraite? Lorsque je dis, مثلاً, haza baytun, fait le bayt, elle est devant nous. C'est une chose qui est quoi concrète, qu'on voit, qu'on peut palper par les cinq sens et l'akhiri. Une chose qu'on peut palper, la chose qui est hissi, c'est la chose qu'on peut reconnaître par rapport aux cinq sens. Et la chose qui est ma'nawi, c'est la chose qui est abstraite qu'on ne peut pas connaître ni par le biais des cinq sens. Maintenant, si je dis hada fikrun jayyid, hada ra'yun jayyid, c'est une bonne idée, c'est une bonne pensée. Est-ce que la pensée, c'est une chose qu'on peut, qu'on peut connaître par rapport aux cinq sens là? Donc, al-ishara, la chose par laquelle tu démontres, yatanqasimu la qismain. Elle peut être hissiya, c'est une chose qu'on peut connaître par les cinq sens. Ou bien peut-être quoi, ma'nawiya, une chose qu'on ne peut pas connaître par les cinq sens, comme tu as pu l'entendre, avec hada ra'yun. Ça, c'est un point de vue. Tam, fait le point de vue, c'est une chose qui est quoi? Qui est concrète, plutôt qui est abstraite. C'est une chose qu'on ne peut pas connaître par le biais des cinq sens. Tam. Il faut savoir que al-ismu ishara, il les a évoqués, rahimahullah ta'ala. Les choses qu'il a évoquées, lui, rahimahullah ta'ala, dans le matn, lorsqu'il a dit hada wa hadhihi wa hawala, il faut savoir que al-ismu ishara, tam, c'est pas l'ensemble, tout ça. C'est pas hada, le ha avec le da, ou bien hadihi, le ha avec dihi, et haula, le ha avec ula. Tam, al-ismu ishara, il peut être évoqué pour une chose qui est quoi? pour une chose qui est masculin, une chose qui est féminin, pour al-mufrad singulier, pour le duel, ou bien pourquoi le pluriel. Fait pour al-mufrad, la chose qui est singulier, on peut utiliser al-mudhakkar ou al-mu'annath, le féminin et le masculin. Fait le masculin du mufrad dans l'ism ishara, c'est quoi? Dha. C'est dha bas. Ama le ha, on appelle ça quoi? Ha ou tanbih. C'est afin de capter l'attention de la personne vers la chose que tu lui démontres. Lorsque tu dis ha dha kursi, tam le ha, c'est afin que yaltafiti, afin qu'il se tourne vers toi. Il avait la tête retournée vers, dirigée vers une autre direction. Et toi, tu veux qu'il regarde vers cette direction-là, vers le kursi. Tu dis hadha baytun. Lorsqu'il va entendre ha, tu vas capter son attention vers la chose vers laquelle tu vas lui démontrer. Fais le ha, on appelle quoi? Harfu tanbi. Harfu tanbi. Et le ismu ishara, c'est le za. Za. Ça, c'est l'ismu ishara. Lil mufrad al muzakkar. Singulier masculin. Ou al mufrad al muannath, c'est quoi? Zi. Tam mufrad al muannath, zi avec un ya. Le zal avec un ya. Zi. Donc le ha, on a harfu tanbi. Wa zihi, c'est quoi? C'est al ismu al ishara. Et il n'a pas évoqué, il y a kazalika al duel. Pour le duel, lorsque tu veux démontrer une chose, plutôt deux choses, tu vas utiliser quoi? Le duel. Tu vas dire, مثلاً, هذان الولدان هذان الولدان. فالاسم إشارة للمثنى المفرد c'est quoi? ذاني. Le ذا avec une alif, ensuite un noun avec une kasra. ذاني. ذاني. Ça c'est quoi? اسم إشارة للمثنى المذكر. Pour le féminin, pour le duel, tu diras tani. Ta, alif, nun avec une kasra. Tam, ha tani, al-mar'atani. Tam, ha tani, al-mar'atani. Tam, tu veux attirer l'attention sur la personne par rapport à ces deux femmes-là qui font partie des maharim, bien entendu. Tam, ha tani, al-mar'atani, il a créé. Tam. Enfin, ça, c'est le ism ishara. Pourquoi? Pour la chose qui est musanna, duel, et qui est féminin. Ensuite, à celui qui est utilisé, pourquoi le pluriel? Amal pluriel, c'est mushtarak baynaish, le masculin et le féminin. Lil mufra, lil mudhakkar, mu'annath. Tu utilises qu'un seul, qui est quoi? Oula. Tam, oula, avec yani, alif, l'ouab, lam, alif, et hamza. Tam, oula. Amal ha, c'est harfu tanbi. Ha, oula'i. Tam, harfu tanbi. Et le ism ishara c'est quoi? Oula i. Tam, ou bien oula. Oula. Tam, c'est-à-dire avec une hamzatou. Comment j'appelle ça déjà? Le alif maqsoura. Tam, comme ceci. Je vais l'écrire, Inch'Allah. Oula. Tam. T'as celui-là pour le pluriel. C'est-à-dire que c'est utilisé pour le masculin et le féminin. Et t'as, kadalika. Oula wa oula i. Oula wa oula i. Il faut savoir que, ensuite, ces ism ishara, tu peux les désigner pour une chose qui est lointaine, une chose qui est quoi proche, et kazalika, une chose qui est entre les deux. Pour la chose qui est proche, on va ramener le ha. Tam. Ha za. Ha tan. Tam. Ha ou la. Lorsque tu ramènes le ha, c'est pour une chose qui est quoi, qui est proche. T'es en train de démontrer une chose à une personne qui est quoi, qui est proche. Lorsque tu veux utiliser, yani, pourquoi, une chose qui est ba'ida, tam, qui est loin, tu vas ramener quoi, le lam. Tam. Tu diras, mathalan, zalika. Tam, c'est pour ça que, vous voyez, il n'y a plus le ha. On n'a pas dit ha zalika. Là, le ha il part. Pourquoi? Parce qu'on vient apporter une chose qui est quoi? Ba'ida. Tam zalika. Et le kaf, qu'on va voir, c'est kaf al-khitab. Tam, ça n'a rien à voir. Tam. C'est kaf al-khitab, bien par rapport à la personne dont avec qui tu es en train de parler. Je suis en train de démontrer une chose masculine à une personne qui est masculine. Tam, mon frère, je dirais, je lui montre à la maison, tam, je dirais zalika baytun. Tam, ça on a pu le voir, il y a des seuls, vous avez pu le voir, Inch'Allah, dans le temps, tam, par rapport à ça. Donc le lam, ça va porter le sens de quoi? Al-bu'd. Tam, l'éloignement. Tam. Pour l'éloignement, oula-ika. Oula-ika. Enfin, plutôt, c'est le kaf. Tam. Le kaf, kazalika, va avoir la fonction de l'éloignement. Comme dans oula-ika, c'est pourquoi? Al-ba'id. Amma la chose qui est quoi? Ni ba'id et ni qarib, entre les deux, c'est le kaf. Tam. Qui va être utilisé avec quoi? Mathalan, za'ka. Tam. Lorsqu'une personne avait dit dans le hadith, il avait dit, zammi shayn wa madhi Zayn, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. Cette personne-là, il s'est surestimé. Il a dit lorsque j'évoque une personne en bien, c'est une tazkiya pour lui. Il y a toute personne que j'évoque en bien, c'est une tazkiya pour lui. Il a dit, lorsque j'évoque une personne en mal, c'est un mépris pour lui. Toute personne que j'évoque en mal, c'est une tazkiya, c'est quelqu'un de muzakka, ça peut être que quelqu'un de muzakka. Impossible, quand même. Que je me trompe lorsque j'évoque quelqu'un en bien, c'est que quoi? C'est quelqu'un qui est muzakka, qui est dans le bien. Et lorsque je parle en mal de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est méprisable. Qui que ce soit. Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah. C'est une chose qui appartient à Allah, azza wa jalla. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, lorsqu'il évoque une personne en bien, ça peut être qu'une personne en bien. Ça, c'est un zen, c'est une tazkiya pour lui. Et lorsqu'il évoque quelqu'un en mal, ça peut être qu'un mépris, et c'est une personne qui est connue dans le mal. Ça, c'est une chose qui appartient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a huwa, allamul ghuyub. C'est lui qui connaît l'invisible. Il a dit zaka Allah. Il a utilisé zaka. Et zaka, c'est une chose qui est quoi? Utilisée ni pour l'éloignement et ni pour le mal. Alors, al-muhim, ça, c'est une chose que vous avez pu voir, je pense, dans le tama. Ensuite, il a évoqué, rahimahullah ta'ala, plutôt, la chose qui suit, donc ça, c'est le troisième tama, palier. Et kazalika, ma unrifa ila al-ismu. مثلا شي جدي من غلام ذلك الرجل من غلام ذلك الرجل فغلام il est مضاف il est quoi الاسم إشارة donc il vient en quoi en position 3 bis et quand j'avais oublié d'évoquer par rapport au مضاف إلى العلم مثلا عبد الله tout simplement عبد الله عبد الله فعبد عبد plutôt il est مضاف il est quoi العلم il vient en 2 bis et il peut même venir tout en premier parce que comme on a pu voir لفظ الجلالة c'est la chose qui est quoi la plus définie. Ensuite, il y a quoi en quatrième position? Al-ismu al-mawsul. Al-ismu al-mawsul huwa ma dalla ala muayyin bi wasitati jumlatin tuzkaru ba'dah. C'est quoi al-ismu al-mawsul? C'est ma dalla ala muayyin par l'intermédiaire de quoi? D'une jumla qui est évoquée après lui, qui est évoquée après ce ismu al-mawsul. Wal asma al-mawsula, tam il y en a qui sont khas, il y en a qui sont quoi? Mushtaraka. Le mushtaraka inchallah ça va venir dans un autre livre. Lakin al-khas c'est celui que vous connaissez, tam pour mudhakkar al-mufrad allazi. Pour le mufrad al-mudhakkar, mufrad al-mu'annas, on va y arriver, inshallah, al-lati. Pour le duel, al-lazani, pour le masculin. Pour le féminin, le duel, al-latani. Pour le pluriel, masculin, al-lazina. Amal féminin, il y en a trois. Ceux qui sont évoqués dans le Coran, il y en a deux. Al-la'i, wal-la'i ya'isna min al-mahid min nisa'ikum. Comme il a évoqué Allah Azza wa Jal. Al-la'i, c'est pourquoi? C'est l'ism al-mawsul. Pour le féminin pluriel. Et kazalika, j'ai dit quoi? Allahi. Le deuxième, allati. Allati. Tam ismu mawsul pour le pluriel, tam jam'u mu'annath. Tam qulu subhanahu wa ta'ala, wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum. Et celle parmi vos femmes qui, refont le zina et l'akhir. Donc il a utilisé quoi? Allah Azza wa Jal, allati. Tam. Et kazalika, le troisième, qui n'est pas évoqué dans le Coran, allawati. Tam. Allawati. فالاسم الموصول pour le féminin le jam il y en a trois allati wallati et ces deux là ils sont évoqués dans le Coran et le troisième c'est quoi walla allawati ça on appelle quoi اسم موصول comment on sait que c'est un اسم موصول نعم que c'est un اسم موصول parce que هو يدل على معين il vient apporter le sens d'une chose qui est définie بواسطه جمله تذكر بعده par l'intermédiaire d'une jumla qui est évoquée après lui et cette jumla qui est évoquée après l'اسم موصول on appelle quoi silatu موصول. Une chose qui est liée à lui, c'est cette jumla-là qui est évoquée après, qui vient complémenter le fait qu'il soit défini. Si je dis, Man hadha al-fata al-ladhi kharaja min al-fasl al-an. Man hadha al-fata al-ladhi kharaja min al-fasl al-an. Fa al-ladhi, c'est un ism al-mawsul, c'est une chose qui est quoi? Mu'ayyan, qui est définie. Comment on l'a su? Parce qu'il y a une jumla qui vient derrière lui, qui vient compléter cette chose-là qui est quoi? Définie. La jumla qui après, kharaja min al-fasl an. Et cette jumla-là, vous allez voir, après l'ism al-mawsul, elle n'a pas de mahal min al-i'rab. C'est juste la chose qui vient apporter le complément dans la phrase. Parce que si on ne ramène pas cette jumla-là, ça n'a aucun sens. Si on aurait dit, man hadha al-fata al-ladhi. On se tait, al-ladhi ash. Il manque une phrase. Donc là, c'est là ce qui vient après, là, cette jumla-là, elle vient compléter le sens de la phrase. La muddamina. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-ismu al-mawsul qui est quoi? Qui est khas. Al-mushtarak, inshallah, ça va venir, ça va venir, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Pourquoi on l'appelait khas? Parce qu'il est khas, au singulier. Il est khas au singulier masculin, khas au singulier féminin, khas au duel masculin, khas au duel féminin, khas au pluriel masculin, khas au pluriel féminin. Et il y en a qui sont quoi? Mushtarak. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour le singulier, comme pour le duel, comme pour le pluriel, comme pour le masculin, comme pour le féminin. مثلا شيء ما عندي مثلا قول سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي وما تفعلوا أي والذي تفعلوا بخير من خير فإن الله به عليم. فسمعنا on appelle quoi اسم موصول إلى مشترك. إلى مشترك. مثلا شامش دي جاء من ضربك. C'est toujours ضرب dans le نحو. جاء من ضربك أي جاء الذي ضربك. جاء من ضربك. جاء من ضربك. فمن كذلك c'est اسم موصول utilisé pourquoi pour le pluriel. ضربوا le واو يعني c'est quoi un جماعة. فأنا appelle ça مشترك parce qu'il peut être utilisé pour le féminin, pour le masculin, pour le pluriel, le duel et le singulier. C'est pour ça qu'on appelle مشترك. لكن inshallah ça va voir dans un autre kitab. Donc ça c'est quoi الاسم الموصول qui vient en quatrième position et كذلك ما أضيف إلى الاسم الموصول. ما أضيف إلى الاسم الموصول. Il vient en quatre listes. Ensuite on a quoi المعرف بأل. Et قبل ذلك المؤلف رحمه الله تعالى lorsqu'il a dit والاسم المبهم. Le ism al-mubham, il englobe le ism ishara et kathalika al-ism al-mansouf. Al-ulama fi al-nahwu, lorsqu'ils évoquent le ism al-mubham, c'est-à-dire celui qui est inconnu, hada, on ne sait pas qui est. Al-ladhi, on ne sait pas à qui on parle. Il y en a directement. Ils appellent ça ism al-mubham. Al-mubham, al-ladhi, lam-yusam. C'est la personne dont on n'a pas cité son nom. Donc ça rentre dedans, dans l'ism al-mubham. C'est pour ça que certains ont dit que lorsqu'il a évoqué 5, il n'y a pas de contradiction avec ceux qui ont évoqué 7, parce qu'ils ont dit que l'ism al-mubham, il englobe le ismu al-ishara ou l'ismu al-mansur. Ça c'est Milbab, l'explication de Mubham. Il a dit ensuite al-mu'allif rahmatullah wa al-ismu alladhi fihi al-alifu wa al-lam. Et il est plus juste de dire wa al-ismu alladhi fihi al. C'est plus juste de dire al que al-alifu wa al-lam. On avait pu voir dans le début du cours, parce que les lettres, lorsqu'on leur donne une appellation, on ne leur donne pas une appellation par rapport à yani à la aux éléments qui est constitué dans ce harf-là. Mathalan, fi, c'est un harf. Est-ce que lorsqu'on appelle fi, est-ce qu'on dit fa ou liya? La. Fakadalika, elle, c'est un harf. Donc, kadalika, ça implique que lorsqu'on va l'appeler, on va dire quoi? Elle. On ne va pas dire alif ou alam. Il y a un khilaf, lakin, le plus savable, le plus juste, c'est de dire quoi? Elle. Il a dit nahwu ar-wajulu wal-ghulam. Yani, elle, celui qui est défini par elle, huwa ma dalla ala mu'ayyan biwasitati. Elle, al-muharrifa. C'est celui, c'est le mot qui est défini par l'intermédiaire de elle, al-muharrifa. Faut bien faire attention. Elle, al-muharrifa. Parce que tu as des sortes de elle, on va voir, qui sont za'ida, qui vont rentrer dans un mot et qui ne vont pas apporter le sens de, qu'elle soit définie. Mathalan, al-hasan. Al-hasan. Ma'rouf, c'est un prénom. Al-hasan, est-ce que elle, qui est dans hasan, il est venu pour apporter il a défini là. Parce que hasan, c'est quoi? C'est un alam. C'est un nom propre. Et un alam, c'est une chose qui est déjà définie. Fait une chose qui est définie, tu ne peux pas plus la définir. Tu ne peux pas rendre une chose définie, définie. Tu ne peux pas rendre une chose définie, définie. C'est pour ça qu'ils ont dit elle dans al-hasan et dans tous les noms propres. Il n'apporte pas le sens de quoi al-ta'rif. Il ne définit pas. On appelle ça lam za'ida, qui a été ajouté en plus. Al-hasan, le al dans hasan, c'est quoi za'ida. C'est pas muharraf. Fa'al-al, celui qui apporte le sens du défini, c'est celui qui va rentrer dans un mot qui est quoi? Indéfini. Mathalan, baytun, indéfini. On a rentré al, al-baytu. Al-baytu. Il faut savoir, yani, aussi par rapport à un tanbi, certains ils disent que le mot défini, c'est quoi? Le mot indéfini, c'est celui qui est un tanwin. Ça, c'est faux de dire certains. Parce que Muhammadun, il est un tanwin. Est-ce que Muhammadun est indéfini? Là, Muhammadun, c'est un alam. Et un alam, on peut voir, c'est celui qui est en deuxième position dans les choses qui sont définies. Donc, yani, la chose qui est définie, et de dire que c'est celle que, plutôt la chose qui est indéfinie, c'est celle qui a une tenuine, ça c'est faux. La chose qui est indéfinie, comme on va voir, Inch'Allah, yani, ma la yadoul ala muayyan, plutôt on l'a vu, ma la yadoul ala muayyan, ça indique pas ça n'a pas le sens d'une personne qui est quoi, qui est désignée, qui est bien définie. Donc, yani, elle qui est venue ici, lorsqu'il a dit, wal ismu alladhi fihi al alif wal lam ay al mu'arrifa, celle qui apporte le sens de la, qui soit définie. Il faut bien faire attention par rapport à cela. Donc ces choses-là, on va voir Kazalika, qu'elle, il a plusieurs catégories. Inch'Allah, ça va voir Kazalika dans un autre kitab. Dans un autre kitab, ça va voir. Juste, ce que tu dois connaître, c'est que lorsque tu vois elle, qui apporte le sens du défini, il faut savoir que le mot qui est rentré dedans, il est quoi? Il est défini. Al-Rulamu, il est défini. Pourquoi? Les deux roules, elle. Parce que Al-Rulam, il est quoi? Il est indéfini. Aslan. Tu peux l'indéfinir, le terme il est bon en français. Roulamoun, il est indéfini. On lui a rentré elle, il est quoi devenu défini? Comment on sait qu'il est défini? Parce que avant que elle y rentre dans Roulam, terme il était indéfini. Ghulamun, on a rentré elle, al-ghulamun. Ar-rajulu, kazalika. Avant qu'on rentre elle, il était quoi? Indéfini. Rajulun, on a rentré elle, il est devenu quoi? Il est devenu indéfini. Donc, al-ismu alladhi tahalla bi al, celui dont elle, il est rentré, tam dakhala alayhi al, il est quoi? Il fait partie des ashshiyah qui sont quoi? Mu'arrafa, qui sont définis, et c'est la cinquième position. Et kazalika ma udhifa ila ma dakhala alayhi al. Tam, mathalan, ghulamur rajul. غلام الرجل فغلام لكوا إلى ديفيني لماذا لأنه دخل على اسم معرف إلى rentré dans un اسم qui est معرف qui est معرفة معرفة بأل qui était défini par quoi par أل تمام donc كذلك le المضاف إلى المعرف بأل il est en cinq vistes et le sixième c'est quoi c'est النكرة المقصودة النكرة المقصودة le nom qui est indéfini et qui est voulu qui est souhaité تمام lorsque tu dis مثلاً, ya rajulu, il est dans la rue, la personne qui est aveugle, souvent il cite cet exemple-là, la personne qui est aveugle et qui cherche à gagner son chemin, et il sent une présence auprès de lui, et une présence qui est quoi? Masculine. T'am. Il dit ya rajulu, khudh bi yadi, ya rajulu, khudh bi yadi, prends ma main et emmène-moi vers le chemin que je veux. Enfin, le fait qu'il a dit ya rajulu, est-ce que cet aveugle-là, il connaît cette personne-là? Là, elle n'est pas définie auprès de lui. T'am. Lakin, le fait qu'il a qu'il a souhaité que ce soit cette personne-là qui vienne et le prenne dans la main, c'est-à-dire qu'il l'a appelé bin nida, et bien il est devenu quoi? Il est devenu défini, même si jamais il est quoi? Indéfini. Et ils ont évoqué que al-nakara al-maqsouda, c'est quoi? Man dalla ala mu'ayyan biwasitati al-nida. C'est la chose qui va être définie par l'intermédiaire du quoi? Du al-nida, le fait qu'on appelle. Donc c'est quoi? C'est le ismu nakara qui va devenir ma'rifa biwasitati al-nida. Le mot qui est indéfini, qui va devenir défini par l'intermédiaire du anida. Ya rajulu. Là, si on regarde, c'est pas un damir. Rajulu, c'est pas un halam. Rajulu, c'est pas un ismu ishara. Rajulu, c'est pas un ismu monsoul. Rajulu, c'est pas un mu'arraf bi'al. Al, il est pas rentré dedans. Donc, ça peut être que quoi? Ça peut être que le sixième qui est quoi? Al-nakira, al-maqsouda, c'est celui qui est défini par l'intermédiaire, le ismu nakira, qui est défini par l'intermédiaire de quoi? De anida. Et كذلك الاشياء التي اضيف الى النكره المقصوده تمام مثلا جميدي يا غلام الرجل خذ بيدي تمام يا غلام الرجل خذ بيدي تمام كذلك هذه نكره مقصوده تمام هو نكره مقصوده il demande au fils de cet homme là qu'il le prenne par sa main et ensuite il évoque رحمه الله تعالى donc on poursuit avec eux تمام il avait dit وما اضيف الى واحده واحد من هذه الاربعه تمام comme on appelle quoi قال رحمه الله قال والنكره انا بقول النكره هو ما لا يدل على معين c'est la chose qui est quoi indéfinie et lui il a apporté une définition كذلك qui est quoi qui est bonne qui est un peu plus détaillée il a dit quoi رحمه الله تعالى قال والنكره كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون اخر فالنكره الذي رحمه الله تعالى c'est كل اسم donc tout nom qui est شائع de son genre مثلا رجل c'est le genre de quoi de l'homme. Lorsque tu dis rajulun, ay rajulun min ar-rijal, un homme parmi les hommes. Ar-rijal, c'est quoi? C'est le genre. Et lui, c'est une catégorie parmi les catégories de quoi? Des hommes. C'est ce qu'il a voulu dire par quoi? Kullu ismin sha'ir. Sha'ir, c'est quoi qui est? Il rentre dans la globalité de cette chose-là. Dans la globalité du genre de cette chose-là. Kullu ismin sha'irin fi jinsihi. Tout mot qui va rentrer, qui est la viabilité de rentrer dans la globalité du genre d'une chose. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Il n'est pas spécifique, cette chose-là n'est pas spécifique, il y a une, comment ça s'appelle, une autre chose. Lorsque tu dis rajulun min ar-rijal, il n'est pas spécifique, hein? Il n'est pas spécifique. Un homme parmi les hommes, ce n'est pas spécifique. Hein? Il nous dit, rahimahullah ta'ala, qala wa taqribuhu, comment tu fais pour le reconnaître? Il dit, taqribuhu, la chose qui va te permettre de pouvoir le reconnaître, yani yuqarrib ilayka al-fahm, la chose qui va pouvoir te rapprocher de l'identité de al-nakira, qala kullu ma salaha dukhul al-anifi. Il nous dit c'est toute chose dont le L il a la viabilité de rentrer dedans. Et ça, comme on a pu le voir, c'est pas forcément sahih. Il faut qu'il, si jamais il aurait rajouté, rahimahullah ta'ala, masalan, il aurait dit, wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulu al-alif wal-lam al-mu'arrifa, là ça aurait été bon. Là ça aurait été bon. Parce qu'on a pu voir que L, il y a des choses qui sont L qui ne sont pas mu'arrifa. Parce que masalan, j'ai dit al-hasan. Est-ce que al-hasan. Est-ce que plutôt Hassan c'est un mot qui est quoi nakira parce que elle est rentrée dedans là Hassan aslan c'est quoi c'est un halam et le halam c'est quoi c'est parmi les ma'arif les choses qui sont définies et même il vient en deuxième position parmi les choses qui sont quoi qui sont définies. Donc yani, ce n'est pas toute chose dont elle est rentrée dedans qui fait que cette chose-là, à la base, elle était quoi, nakara? Non. Il faut que cette chose-là dont elle est rentrée dedans, ce soit le elle qui est quoi, mu'arrifa. Le elle qui va apporter le sens du défini à la chose qui était indéfinie. Comme il a dit, hauna, il a dit, ar-rajul. On lui enlève le elle, c'est quoi à la base? Rajulun. Donc elle, il est rentré, il a apporté la notion du défini à ces choses-là qui étaient indéfinies avant. Kazaleka al-farasu, le cheval. Si on enlève elle, c'est farasun, c'est indéfini. Farasun min al-faras. Comment c'est qu'il est défini, qu'il est indéfini? C'est-à-dire, tu peux dire une chose parmi tant de choses. Farasun min al-faras. Un cheval parmi les chevaux. Parmi les chevaux plutôt. Donc ça, c'est, inshallah, la khulasan de ce bab-là. Et vous allez voir, Yanni, la personne peut dire, mais c'est quoi la faïda de connaître, maintenant, au niveau de la chose qui est plus définie ensuite, yani la hiérarchie, le premier c'est le Abdamir, ensuite c'est le Halam, ensuite c'est Ismu Ishara, ensuite c'est Ismu Mansoul, ensuite c'est le Mu'arraf Bi'al, ensuite c'est le Anakira Al-Maqsouda, ensuite, yani Ma'udifa ila hadhihi al-ashya. C'est quoi la faïda de savoir qu'il y en a un qui est plus défini que l'autre, Tamil Akhirihi, numéro 1, 2, 3, ila Akhirihi. Ça, Inch'Allah, vous allez voir cette faïda-là dans quoi? Dans la chose qu'on appelle l'Atf al-Bayan. Voilà, Allah, il a évoqué, rahimahullah ta'ala, je ne sais pas, mais vous allez voir, parce que l'Atf al-Bayan, pour qu'on puisse dire que c'est un Atf al-Bayan, c'est la chose qui va venir, c'est un tabi' qui va venir éclaircir la description d'une chose, et il faut qu'il soit plus défini que la chose qu'il a, qu'il va qualifier. Si jamais je dis, عن عمر أو بدون عن أبي حفص عمر ابن الخطاب عن أبي حفص عمر ابن الخطاب فعمر هنا par rapport à أبي حفص on appelle ça quoi un عطف بيان pourquoi il vient apporter un éclaircissement parce que lorsqu'on dit أبي حفص c'est qui أبي حفص il peut avoir plusieurs أبي حفص لكن là lorsqu'on a dit عمر خلاص on sait qui on parle parmi أبي حفص عن أبي حفص عمر. C'est un éclaircissement, Omar. On sait directement de qui on parle de Omar. Lakin Omar, il est plus défini que quoi? Abi Hafs. Pourquoi? Parce que Omar, c'est quoi? C'est un alam. Et Abi Hafs, c'est un mudaf ila alam. On a pu voir que le mudaf ila alam, il est moins défini que l'alam. Le mudaf ila alam, il est moins défini que l'alam. Donc, cette chose-là, on va l'appeler quoi? Atfou Bayan. Yanni, vous allez voir, Yanni, la faïda, vous allez mieux la comprendre et la déguster, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsque vous allez entrer dans le bab du coin, Inch'Allah, tabaraka, le bab qui s'appelle Babu Atful Bayan. Inch'Allah, on va se contenter de cela, c'était histoire de finir ce bab-là. Ce bab-là qui est le bab al-Ma'rifa wa Nakara, il est simple, il est simple. Et s'il y a des questions, Inch'Allah, par rapport au cours, sinon on se contente de cela, et le prochain cours, ça sera jeudi prochain, Inch'Allah, jeudi à venir, Inch'Allah. Al-Usul, min Hinmi, Al-Usul, et Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça sera un cours conférence. C'est-à-dire qu'on va évoquer, comme on a pu l'évoquer dans le jeudi dernier, on va évoquer quelles sont les personnes parmi les mouftines, qui sont les gens de science à qui on peut revenir pour poser la question, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On va évoquer ce darshala, bi'unwan, du athar de Muhammad ibn Sirin, إِنَّ هَذَا الْعِلْمِ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُوا دِينَكُمْ. Cette science-là, c'est une religion, c'est une chose par laquelle tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Donc regardez de qui vous prenez la science, et on va voir, Inch'Allah, les critères par lesquels on peut savoir de qui on prend la science et de qui on ne prend pas la science, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. S'il n'y a pas de questions, on se contente de ça, en espérant que le cours, Inch'Allah, il a été clair et compris. فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ وإياكم وفيكم بارك الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك الله فيكم على الحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.